Ma peau, je me rêve.

Parfois, est-ce que vous faites ça? Moi, je me retourne tout le temps, par exemple. Est-ce que vous le faites, ça, voilà. Moi, je me retourne parce que j'ai peur qu'on me suive. C'est vrai? Vous n'avez pas peur? Je me retourne aussi parce que je rêverais qu'on me suive. Et puis, du coup, donc, je regarde un petit peu dans le rétroviseur. Je me dis que ça permet d'aller de l'avant. Et quand on a préparé ce concert, on a regardé un petit peu dans le rétroviseur et regardez ce qu'on a trouvé. Accepté par Ira, ton invitation. J'ai dû courir dans l'art, j'ai dû planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je perds tout ça, tu sais. J'ai pas confiance en moi, tu sais. J'ai pas d'espérance. Et je perds tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons entre un coupé de silence qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois, j'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû courir dans l'air, j'ai dû planter dans la saison.

J'entends pas, j'entends pas. Yeah.

tout à l'heure, je vous parlais de rencontre. La chanson qui vient, c'est une très très grande rencontre pour moi, comme celle de Vanessa Paradis. C'est une chanson d'un monsieur qui s'appelait Alain Bachou. Seul à seul, j'envisage à J'envisage le pire. Merci pour monsieur Alain Vachon. Elles sont toutes les mamans. Ciao. Je ne sais pas. océan des déserts. Nous ne faisons que passer dans l'ombre sous la lumière. Nous ne faisons que traverser des océans des déserts. Elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, ou elle est pas comme ma mère. Elle est pas sagère, elle est pas pacifiste. Elle est pas d'accord, elle est pas sillonnée. Elle est pas fut-fut, ou elle est pas pathétique. Elle est pas tout métier. Elle est pas solitaire, elle est pas solidaire. Elle est pas risseuse, elle est pas réciproque. Elle est pas en cloque, elle est pas la région PACA où elle a qu'à s'envoler. Léa, elle est pas parisienne, elle est pas présentable. Pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite. Elle est pas maladroite. Thank you. renverses les moments, on renverse les choses. Tu renverses les moments, on renverse les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs des jardins. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Vince, c'est pas assez fort, Vince. juste devant lui, tout aussi magicien, s'il vous plaît, au son ce soir, c'était Malik, s'il vous plaît. C'est pas assez fort, c'est le début de la soirée, Malik, s'il vous plaît. Juste là, au son pour nous, c'était Loïc, s'il vous plaît. Au backline, juste là, c'était Grand Seb, s'il vous plaît. Et avec Vince là-bas, juste là, il y a Julien, s'il vous plaît. Et par là, il y a Antoine, s'il vous plaît. Et à la régie, c'était Bex. Merci pour votre accueil. Passez une belle soirée. J'ai envie de vous dire à tout de suite. Portez-vous bien, merci infiniment pour votre accueil. À tout de suite.